السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نواصل الكلام في دراسة رسالة نواقد الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Chers frères et sœurs, nous continuons par la grâce d'Allah l'étude de l'épître des annulatifs de l'islam du grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Cette assise est la dernière assise de cette série de cours, bi-idhnillahi ta'ala. Nous avions vu la semaine passée le 9e annulatif de l'islam, qui est de croire qu'il est permis de sortir de la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À la suite de cela, l'auteur du livre a dit: Al-Ashir, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Wa dalilu qawluhu ta'ala wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih thumma a'radu anha inna minal mujrimina muntaqimun. L'auteur du livre a dit le 10e annulatif de l'islam. Se détourner de la religion d'Allah le Très-Haut en délaissant son apprentissage et sa mise en pratique. La preuve de cela réside dans la parole d'Allah. Qui est plus injuste que celui à qui les signes d'Allah lui ont été rappelés et qui ensuite s'en détourne? Nous nous vengerons certes des criminels. Sourate la prosternation, verset 22. Ce qui est voulu à travers cet annulatif, c'est de se détourner complètement de la religion d'Allah, aussi bien dans son apprentissage que dans sa mise en pratique. Ce qui est voulu de son apprentissage, c'est l'apprentissage et la connaissance des fondements de la religion à travers lesquels la personne est considérée comme étant musulmane. L'auteur du livre a cité comme preuve pour cet annulatif le verset 22 de la sourate La Prosternation. Allahu Azza wa Jal a dit dans le sens: qui est plus injuste que celui à qui les signes d'Allah lui sont rappelés et qui ensuite s'est détourné? Nous nous vengerons certes des criminels. Allahu Azza wa Jal dit également concernant ceux qui se détournent de sa religion et de son rappel: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie pleine de gêne, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle au rassemblement. Surat Taha, verset 124. Il dit également subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ. Ceux qui ont mécru se détournent de ceux dont ils ont été avertis. Sourate Al-Ahqaf, verset 3. Au vu de ces versets, celui qui se détourne de la religion d'Allah totalement, ne lui donne pas d'importance, ne l'apprend pas, ne la met pas en pratique, se détourne des fondements de la religion à travers lesquels l'individu est considéré comme étant musulman, cet individu est alors considéré comme apostat, sorti de l'islam. Quant à celui qui se détourne de l'apprentissage de la religion par paresse, alors celui-ci n'est pas considéré comme apostat, mais il est certes blâmé sévèrement pour cela. Nous retenons de cet annulatif que le fait de se détourner de la religion, de son apprentissage et de sa mise en pratique se divise en deux catégories. Premièrement, se détourner totalement de la religion, de son apprentissage et de sa mise en pratique. Ceci est de la mécréance qui fait sortir de l'islam. Deuxièmement, se détourner de la religion, de sa mise en pratique, de son apprentissage par paresse, comme le fait de se détourner de certains actes obligatoires, de certains actes recommandés, ou de tomber dans certains interdits. Celui-ci ne mécroit pas, mais il est sévèrement blâmé pour cela. À la suite de cela, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit: وَلَا فَرْقَ فِي جَمِيعِ هَذِهِ النَّوَاقِضِ بين الهازل والجد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا ومن أكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وصحبه وسلم. L'auteur du livre, rahimahullah ta'ala, a dit: il n'y a aucune différence entre celui qui commet ses annulatifs par plaisanterie, par sérieux ou par peur, sauf celui qui agit sous la contrainte. Ces annulatifs sont les plus dangereux et les plus répandus. Il convient aux musulmans de prendre garde et d'avoir peur pour sa propre personne de ne pas y tomber. Nous implorons Allah la protection. Nous implorons la protection d'Allah contre ceux qui pourraient provoquer sa colère et son châtiment douloureux, que les éloges d'Allah et son salut soient sur la meilleure de ses créatures, Mohammed, sur sa famille et ses compagnons. Dans la parole de l'auteur, rahimahullahu ta'ala, il n'y a aucune différence dans ses annulatifs entre celui qui plaisante, qui est sérieux ou qui a peur, jusqu'à la fin. Le grand savant, le shaykh Abdulaziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala, a dit: c'est-à-dire, il n'y a pas de différence dans ces annulatifs entre celui qui est sérieux, entre celui qui plaisante dans cela, ou qui a peur pour ses biens, son argent, sa notoriété ou sa place, sauf celui qui est contraint à cela. Concernant celui qui plaisante, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit dans son livre Al-Fatawa al-Kubra, et nous avons vu précédemment la parole de son élève Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala concernant celui qui prononce la parole de mécréance par amusement. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah nous dit, dans le sens de sa parole, concernant la personne qui prononce la parole de mécréance, ainsi que celui qui prononce la parole de foi sans vouloir ou chercher ou sans vouloir la réalité de ses paroles, c'est-à-dire de la parole de mécréance ou la parole de foi. Il dit: quant à la parole de mécréance, la mécréance de son auteur est effective. Quant à la parole de foi, la foi de ce dernier, de celui qui la prononce sans vouloir la réalité de ses propos, elle n'est pas effective et n'est pas acceptée. Car l'hypocrite veut à travers la foi ses intérêts mondains, sans vouloir la réalité de ce qu'implique la parole de foi. Sa foi n'est donc pas effective. Quant à l'homme, s'il prononce la parole de mécréance pour ses intérêts mondains, sans pour autant avoir la conviction de sa parole, sa mécréance est actée et est effective intérieurement et en apparence. Ceci car le serviteur, il lui est ordonné de prononcer la parole de foi avec conviction de ce qu'elle implique, et il lui est ordonné de ne pas prononcer la parole de mécréance ou le mensonge qu'il soit sérieux ou qu'il plaisante. S'il prononce la parole de mécréance ou le mensonge, sérieusement ou en plaisantant, il sera alors mécréant ou menteur, car l'amusement dans ce domaine n'est pas permis. De ce fait, la plaisanterie est nulle au regard de la législation. Fin de citation. L'auteur du livre a choisi ces annulatifs car ils sont les plus dangereux et les plus répandus dans la communauté. Il convient donc à chacun d'entre nous d'avoir peur pour sa propre personne et de chercher le refuge auprès d'Allah ou Azza wa Jal et de ne pas se sentir à l'abri de tomber dans l'un des annulatifs de l'islam. Et ceci était la voix des prophètes, des messagers, des pieux prédécesseurs, qui, malgré leur foi forte, demandaient à Allah ou Azza wa Jal de les préserver de la déviance et de l'égarement. Comme le prophète Ibrahim, alayhi salam, qui demanda à Allah ou Azza wa Jal de le préserver du polythéisme, alors qu'il est celui qui a cassé les statues de sa main. L'auteur du livre a clôturé cet épître en demandant la protection d'Allah contre sa colère et son châtiment. Ceci car le croyant, tant qu'il est encore en vie, ne doit pas se sentir à l'abri de l'égarement et de la fitna. D'ailleurs, Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, disait « Le vivant n'est pas à l'abri de la fitna ». On demande à Allah Azza wa Jal de nous préserver de l'égarement, de nous raffermir sur le tawhid, sur la sunna, de nous faire mourir en étant soumis. On demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos fautes, d'accepter nos œuvres et de nous octroyer la sincérité, de nous faire profiter de ce qui a été dit dans ces assises. Qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre patience. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.